Le lion et le renard. Conte. Un lion, devenant vieux et ne pouvant plus chasser, eut recours à la ruse. Il rentra dans sa tanière, feignit d'être malade et fut bientôt visité par les animaux de la forêt. Le premier qui pénétra dans la tanière fut dévoré par le lion. Le renard comprit la ruse, se mit à l'entrée de la tanière et dit au lion: « Eh bien, lion, comment vas-tu ? » Je ne vais pas bien, répondit le lion. Mais pourquoi n'entres-tu pas? Je n'entre pas, dit le renard, parce que, si j'en juge par ces traces, beaucoup sont entrés, mais peu sont sortis.